just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Alone. Pou pou pidou. Il y a toujours deux côtés dans une histoire. I wanna be kissed by you. Just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you. Alone. Marilyn, dernière séance. Écrit et adapté par Michel Schneider. 9e épisode. Avant d'emménager en 1957 dans l'appartement où elle vécut avec son troisième mari, Arthur Miller, et qu'elle garda jusqu'à sa mort comme pied-à-terre new-yorkais, Marilyn avait fait recouvrir de miroirs plusieurs murs du sol au plafond. On la trouvait souvent arrêtée devant sa propre image. Adulte, ses amis et ses collègues la voyaient sans cesse se détaillant dans un miroir à trois faces, rajustant le tombé de sa robe ou la courbure d'un sourcil. Il lui était presque impossible de croiser une glace sans s'y chercher. Truman Capote raconte qu'un jour, il l'avait vue assise pendant des heures devant son reflet. Il lui avait demandé ce qu'elle faisait, et elle avait répondu « Je la regarde ». It costs me a lot, but there's one thing that I've got, it's my name. Un soir, au début des années 50, dans un nightclub de Los Angeles, Billie Holiday chantait. Cold, wet, tired, you bet. All of this I'll soon forget with my man. Marilyn était accompagnée de son costumier, Bill Travilla. Il lui dit qu'un exemplaire de son calendrier de nuit était accroché dans le bureau qui servait de loge à la chanteuse noire. Marilyn s'y rua. Et sans un mot, sans un regard pour la chanteuse, elle se planta devant ses propres photos, les fixant dans une sorte d'extase. Billie Holiday lui lança le calendrier à la figure et la chassa en la traitant de conne. Quelques semaines avant de rencontrer pour la première fois Ralph Grinson, son psychanalyste, Marilyn disait à son ami journaliste William Weatherby : souvent, je me dis que ce serait mieux de ne pas être célèbre. Mais nous, les acteurs, nous nous torturons avec notre image. Nous sommes. Oh, quel est le mot ? Narcissiques. Voilà. Je reste des heures assise devant mon miroir à guetter les signes de l'âge. Je veux vieillir sans lifting facial. Relever un visage qui tombe, c'est la facilité. Ça retire la vie du visage, le caractère. Je veux être loyale avec mes traits. Avec le visage que je me suis fait. Avoir ce courage-là. Et parfois, je pense que ce serait plus facile d'éviter la vieillesse et de mourir jeune. Mais alors, qui finira votre vie? Qui saura qui vous êtes? Just the feeling. What he said and what she said and what he felt. And I liked singing, athletics, English. I hated arithmetic. Neither are true. My mother's first husband was named Baker. Her second husband was. Oh, yes. Yeah. Because, well, I wanted my mother's maiden name because I felt that rightfully was my name. I couldn't take my father's name very well. So I wanted at least something that was related. So I said, I want the name Monroe, which was my mother's maiden name. Les dernières images de Marilyn Monroe gravées sur une pellicule le 31 mai 1962 sont muettes. Il n'existe que 35 minutes de Something's Got to Give, Quelque chose doit craquer, son dernier film inachevé. Ces images montrent un visage d'une beauté indiciblement cruelle, un regard étonné et vaguement inquiet aux pupilles insomniaques, une femme dans un dénuement radical, portant comme un appel une robe éclatante de blancheur et de fleurs. Une femme qui rentre chez elle après qu'on l'a crue morte. Elle a la violence triste des réprouvés dans un monde dur et profond comme un miroir. La séquence se termine par un mot du réalisateur lancé hors champ. « Cut ». L'actrice, qui jusque-là se taisait, répète du bout des lèvres « Cut ». Le lendemain, elle allait avoir 36 ans. C'était la dernière séance de prise de vue. Le dernier jour où une caméra changea Marilyn en son image. Deux mois plus tard, le metteur en scène de son destin dira encore « Cut ». Le film de sa vie sera coupé à jamais. Et aucun assistant de plateau pour crier « Encore une dernière prise ». Un soir d'août 1962, vers 20h, alors qu'elle quittait Ralph Grinson, Marilyn lui tendit une grande enveloppe. C'est pour vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Elle la posa sur la table près du divan avec un geste de grâce légère, comme on dépose le dernier vêtement avant de confier son corps nu au drap. L'enveloppe contenait deux bandes magnétiques enregistrées chez elle. En votre présence, cher docteur, je ne peux pas me laisser aller. J'ai besoin d'un espace plus secret pour vous parler. Entre moi et moi. Mais c'est à vous que je m'adresse. Même si vous n'êtes pas là. Surtout si vous n'êtes pas là. Ce sont les plus privées et les plus secrètes pensées de Marilyn Monroe. Au revoir. J'ai mis en vous mon âme. Ça vous fait peur? Qu'est-ce que je peux vous donner? Pas de l'argent. Je sais que ça ne signifie pas grand-chose pour vous. Pas mon corps. Votre éthique professionnelle. Et votre fidélité à votre merveilleuse femme rendent ça impossible. Vous savez ce qu'a dit le scénariste Nonelly Johnson? Il a dit, pour Marilyn, le coït est le meilleur moyen pour dire merci. Comment puis-je vous remercier si ma monnaie n'a pas cours avec vous? Vous m'avez tout donné. Grâce à vous, je suis autre. Avec moi-même et avec les autres. Je ressens ce que je n'ai jamais connu. Une femme et une vraie. Maintenant, j'ai le contrôle de moi-même. De ma vie. Est-ce que je peux vous donner une idée à moi qui va révolutionner la psychanalyse? Écoutez, Marilyn Monroe fait des associations. Moi, complètement dissociée. Vous, mon docteur, par la compréhension et l'interprétation de ce qui se passe dans ma tête, vous accédez à mon inconscient et vous pouvez traiter mes névroses. Et moi, peut-être que je pourrais les dépasser. Mais pendant les séances, quand vous me demandez de me détendre et de vous dire ce que je suis en train de penser, j'ai un blanc. Je n'ai rien à dire. C'est ce que vous et le docteur Freud appelez résistance. Alors on parle d'autre chose et je réponds à vos questions du mieux que je peux. Vous êtes la seule personne au monde à qui je n'ai jamais dit de mensonge, et n'en dirai jamais. Ah, oui, les rêves. Je sais qu'ils sont importants. Mais lorsque vous voulez que j'associe librement autour de mes rêves, j'ai le même blanc. Plus de résistance encore que vous et le docteur Freud ne pouvez en espérer. Leçon d'introduction. Oh, quel génie! Il rend tout facilement accessible. Et il a tellement raison. Il dit lui-même que Shakespeare ou Dostoïevski comprenait mieux la psychologie que tous les savants mis ensemble. Bien sûr, c'est ainsi. Freud. La psychanalyse, c'est bien beau. Mais l'amour, le vrai, celui qu'on fait avec nos bouches, nos mains, nos sexes, c'est pas mal non plus pour sortir du gel. De la mort. Vous m'avez dit de lire le monologue intérieur de Molly Bloom dans Ulysse. Tandis que je le lisais, quelque chose m'ennuyait. Joyce écrit ce qu'une femme pense d'elle-même. Le pouvait-il ? Pouvait-il vraiment connaître ses pensées les plus intérieures ? Et après que j'ai lu le livre en entier, j'ai pu mieux comprendre. Joyce était un artiste qui pouvait pénétrer les âmes des gens, hommes ou femmes. Ça n'importe absolument pas que Joyce ait eu ou non des seins ou autres attributs féminins ou qu'il ait subi des douleurs menstruelles. Bon, attendez, comme vous devez avoir deviné, je suis en train d'associer librement. Vous êtes en train d'entendre un tas de mots grossiers. À cause de mon respect pour vous, lorsque je suis en séance, je ne serai jamais capable de dire les mots que je pense réellement. Mais maintenant que vous êtes à distance, je vais vous dire tout ce que je pense. Peu importe avec quels mots. Je peux faire cela. Et si vous êtes patient, je vous dirai tout. C'est drôle. Je vous demande d'être patient, mais c'est moi qui suis votre patiente. Être patient ou être impatient. Encore un jeu avec les mots, n'est-ce pas? Il y a un médecin et son patient. Je n'aime pas le mot analysant. Il semble évoquer qu'un esprit malade est différent d'un corps malade. Mais vous et le docteur Freud, vous dites que l'esprit est une partie du corps. L'analyse ne me convient plus trop. Vous vous trouvez dans son bureau et le docteur vous demande « Dites ce que vous pensez, dites ce qui vous vient. » Et vous n'arrivez pas à dire la moindre chose. Combien de fois, après une séance, je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré en pensant c'est ma faute. Alors, en lisant le monologue de Molly, l'idée m'est venue. Prends un magnétophone, mets une bande, fais-la tourner et dis tout ce que tu penses. comme je suis en train de le faire. C'est vraiment facile. Je suis couchée sur mon lit, portant juste un soutien-gorge. Et si je veux, je peux aller au réfrigérateur ou dans la salle de bain. J'enfonce le bouton stop et je recommence quand je reviens. Là, je fais simplement des associations libres. Pas de problème. Votre patiente ne peut pas faire ça dans le bureau du médecin. Chez elle, elle s'enregistre. Et puis elle envoie la bande, le médecin l'écoute. Quand la patiente vient pour sa séance, il lui pose des questions, interprète ses réponses. Parfois, je me dis que l'analyste soigne sa patiente non avec ce qu'il sait, ni avec ce qu'il a pu résoudre de sa propre maladie, mais avec ses propres blessures mal guéries. On peut aussi mettre les rêves sur la bande. Juste après, en se réveillant. Vous savez que j'oublie mes rêves. J'oublie même que j'ai rêvé. Le docteur Freud dit que les rêves sont la voie royale de l'inconscient. Il n'interdit pas de les enregistrer et de les écouter en différé. Je vais désormais vous dire mes rêves sur une bande. D'accord ? Docteur Grinson, vous êtes le plus grand psychiatre au monde. Dites-moi si Marilyn Monroe a inventé un nouveau et important moyen de faire avancer la psychanalyse. Allons-y. Tout ce que je vais vous dire est vrai. Depuis que je suis votre patiente, je n'ai jamais eu d'orgasme. Je me souviens que vous m'avez dit un jour qu'un orgasme arrive dans l'esprit et pas dans le sexe. Je préfère dire ce mot, sexe, plutôt qu'appareil génital. Le problème n'est pas dans les mots, mais dans la manière dont les gens s'en servent. Enfin bon, ça ne fait rien, mais vous savez, ces foutues associations libres peuvent rendre fou. Quand je dis fou, ça me fait penser à ma mère. Et je ne vais pas faire des associations libres sur ma mère maintenant. Non. Bon, laissez-moi terminer à propos de l'orgasme. Vous avez dit aussi qu'une personne dans le coma ou un paraplégique ne pouvait pas avoir d'orgasme car la stimulation génitale n'atteignait pas le cerveau. Et qu'à l'inverse, un orgasme pouvait se produire dans le cerveau sans aucune stimulation de l'appareil génital. Vous disiez aussi qu'il y avait un obstacle dans mon esprit qui m'empêchait d'avoir des orgasmes. Que c'était quelque chose qui était apparu très tôt dans ma vie. Parce que je me sentais tellement coupable que je ne méritais pas d'avoir du plaisir. Là. Cela avait à voir avec quelque chose de sexuel qui s'était mal passé autrefois. Quelque chose qui a recouvert le plaisir par la faute. Un tort, vous disiez. Une atteinte. Mais vous m'avez dit aussi que si je faisais comme vous me disiez de faire, j'aurais des orgasmes. Seule, puis avec des amants. Quelle différence les mots. Vous n'avez pas dit que je pourrais avoir des orgasmes, mais que j'en aurais. Soyez béni, docteur. Vous parlez d'or. ai perdu. Entre parenthèses, si les hommes n'étaient pas si idiots et s'il y avait un Oscar de la meilleure simulatrice, je l'aurais raflé chaque année. Et peut-être que je pourrais vous décrire, à vous, un homme, ce qu'une femme éprouve pendant un orgasme. Je vais essayer. Pensez à une lampe avec un contrôle d'intensité tandis que vous montez doucement le variateur. L'ampoule commence à briller encore. Et finalement, dans un éclair aveuglant, s'illumine tout entière. Puis vous tournez dans l'autre sens. Et la lumière diminue. Et enfin, elle disparaît. À propos, rien à voir, mais j'ai encore besoin de vous pour faire tenir les morceaux pendant au moins un an. Je vous paierai pour être votre seule patiente. Et puis, je vous ai fait un autre cadeau aujourd'hui. J'ai vidé dans la cuvette des toilettes mon dernier flacon de Nambutal. Toutes mes pilules. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme disait le docteur Greenson dans ses débuts. Bonne nuit, docteur. If you listen, you can hear it call. Whalery. There is a river called the River of No Return. C'était Marilyn Dernière Séance, écrit et adapté par Michel Schneider. 9e épisode avec Clotilde Morgiev, Marilyn Monroe, Georges Kless, Ralph Grinson, Mohamed Rouabi, le narrateur, Johanna Nizar, la narratrice, Alain Fromager, William Weatherby. Swept on forever to be lost in a stormy sea. I can hear the river call. Bruitage, Patrick Martinache. Recherche d'archives, Julie Amint. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Sylvain D'Angoise. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset. Gone forever down the river of no return.